Les hôtels jupins nous accourons joyeux. À toi l'heureux, à toi l'heureux. Nous voici tous à tes genoux, à tes genoux. Oh, les hôtels jupins nous accourons joyeux. Les hôtels jupins nous accourons joyeux. Allons, la journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis conduites par notre gracieuse souveraine. Oui, c'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où Vénus, courant au secours d'Adonis, déchira ses petits pieds et de son sang divin fit la couleur des roses, blanche avant cet événement. Cette légende est d'un poétique. Thank you. plus au monde. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Augure. Volontiers, fille de Léda, mais le sacrifice... Le sacrifice attendra. Qu'est-ce que c'est encore? Voyons. Vous allez dire que je suis folle. Oh, reine, le respect. L'affaire du mont Ida, j'y pense sans cesse. Ce bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme et ce berger. Ce berger, surtout. Vous n'avez pas de nouveaux détails? Non, je regrette. Est-il vrai que, pour remercier ce berger, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Cela paraît officiel. Mais la plus belle femme du monde... C'est vous, reine. C'est vous, assurément. Taisez-vous. Taisez-vous. Car si cela était... Eh bien, reine... Elle. Toujours elle. Qui, elle? La main de la fatalité qui pèse sur moi. Ça, c'est vrai. Ma naissance, d'abord... Vous la connaissez? Qui ne la connaît pas? Ce signe traqué par un aigle que Léda sauva dans ses bras. Ce signe-là, c'était mon père. L'aigle, c'était Vénus. Cruelle Vénus. Vous voyez bien, Calcas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Et cependant, j'aurais voulu... Savez-vous, grand augure, ce que j'aurais voulu être? Non, fille de Jupiter. J'aurais voulu être une bourgeoise paisible... La femme d'un brave négociant de Mytilène. Au lieu de cela. Mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai pu croire que j'arrivais au port. C'était Ménélas, dont vous avez fait le roi de Sparte. Oui, bon et excellent homme. J'ai tout fait pour l'aimer. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Qu'est-ce que vous voulez, quand on ne peut pas? Pauvre cher. Et quand je pense que Vénus a promis à ce berger l'amour de la plus belle femme du monde, quand je pense que je suis probablement... Oui, probablement. Qu'est-ce qu'il va devenir, ce bon excellent homme? Dame, si Vénus l'ordonne... Qu'est-ce que je vous disais? La fatalité! Entrez, entrez vite, grande reine. Voici le jeune prince Oreste. Mon coquin de neveu? Oui, il vient de ce côté et en assez fâcheuse société, avec Parthénis et Léna. Oui, Calcas! Et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Oui, Calcas! Oui, Calcas! Cette nuit j'ai soupé mon vieux avec ces dames de Corinthe, tout ce que la Grèce a de mieux. C'est Parthénis et Léa qui m'ont dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis et Léa. C'est Parthénis et Léa. C'est Parthénis et Léa. C'est Parthénis et Léa. Dis-la là, dis-la là. Aïe, qu'il fallait, oh là là. Thank you. dame de Coreste fait danser l'argent à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la Grèce qui paiera. C'est parti Nice, elle est là, qui m'a dit de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est parti Nice, elle est là. C'est parti Nice, elle est là, c'est parti Nice, elle est là. Seigneur, je vous en conjure, n'entrez pas avec ces dames. Vous me placez entre mon respect et mon devoir. Je ne puis, la fête est présidée par la reine elle-même. Ma tante Hélène? Ah, voyons, je l'aime bien, ma tante Hélène. Mais elle aurait tort de faire la sévère, car elle a eu des aventures. Seigneur! Je sais bien qu'elle se rattrape toujours en disant que c'est la fatalité. Allons, ne vous fâchez pas. Nous nous inclinons devant elle et nous partons. En avant la musique! Au revoir, Calcas. Bien des choses à ma tante. Au revoir, Calcas. Un mot. N'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter, Calcas? Oui, c'est moi, Calcas. Mais je suis très occupé. Un sacrifice déjà fort en retard. Le sacrifice attendra. Je viens pour une affaire pressante. Si vous croyez que je me dérange comme ça, pour un berger... J'ai besoin de vous. Vous n'avez pas reçu une lettre de Vénus? Pas le moins du monde. C'est singulier. La colombe est partie devant moi. Eh bien, justement, la voici qui arrive. Regardez. Quoi? C'est ma colombe et c'est ma lettre. Mais le fait est, elle se pose sur votre doigt. Oh, ma jolie petite colombe. Prenez la lettre, elle est pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle demande s'il y a une réponse. Non, il n'y en a pas. Elle s'envole. Tiens, elle a une autre commission sans doute. Cette Vénus a une correspondance. Le timbre de Cythère, de Vénus. C'est bien de Vénus. Je peux lire? Comment donc? Homme de 20 ans à la tête blonde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Lors quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà ». Voilà. Quoi? Ce serez-vous, ce Paris? le fils du roi Priam. On ne parle que de vous à Sparte et dans toute la Grèce. C'est vous qui avez prononcé ce fameux jugement ? Moi-même. Ainsi, vous avez vu la déesse ? Un peu. Coquin. Oh, pardonnez, prince. Faites donc, faites donc. Si ce n'était pas abusé, je vous prierais... De quoi ? De me donner un léger aperçu. Farceur. Eh bien... Voici l'aperçu. À toi, déesse, se querelle dans un bois. Quelle est ces princesses, la plus belle de nous trois. Et ces déesses pour enjôler les garçons. Et ces déesses ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi. Sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, et le beau jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et voyez que ces déesses pour enjôler les garçons. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit j'ai ma naissance, mon orgueil et mon parent. Je dois l'emprunter, je pense, donne-la comme à Chinon. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons pour enjôler les garçons. La troisième ne dit rien. Elle eut le prix tout de même. Calcas, vous m'entendez bien. Et voyez que ces déesses pour enjôler les garçons.